Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast spécial Halloween. Le 31 octobre approche à grands pas et vous voulez transformer votre maison en manoir de l'horreur. Objectif, effrayer un maximum d'invités et rendre cette nuit d'épouvante inoubliable. Seulement, vous aimeriez des idées plus originales que de simples citrouilles creusées et des toiles d'araignées un peu partout. Chez Habitat Presto, on vous a déniché des astuces déco uniques et vraiment repoussantes. Vous êtes prêts pour l'horreur des horreurs ? Allons-y ! Notre première idée. On commence par celle-ci car elle est ultra simple à mettre en place. Tout le monde a des phobies, n'est-ce pas ? Alors si parmi vos proches, vous comptez des phobiques des araignées ou des rongeurs, vous pouvez acheter des autocollants repositionnables noirs qui montrent des silhouettes d'araignées, de souris ou de rats. Collez-les ensuite sur les plinthes ou les contremarches de l'escalier. Les cris de terreur vont rythmer la soirée du 31. Notre deuxième idée. Vous vous rappelez du fameux film d'Hitchcock, Les oiseaux ? Alors, pour recréer cette ambiance de cauchemar dans votre salon, fabriquez des oiseaux en origami à partir de papier noir. Vous trouverez de nombreux patrons sur Internet qui vous expliqueront comment plier correctement le papier. Créez-en une bonne dizaine et placez-les autour d'une fenêtre ou d'une porte. Le but est de faire croire qu'ils sont en train de rentrer dans la maison. Frisson garanti. Notre troisième idée. Qui penserait à décorer la salle de bain pour Halloween ? Et pourtant, il y a là de quoi faire succomber les âmes les plus sensibles. Vous trouverez dans les magasins de déco de fête ou bien directement sur Internet des rideaux de douche qui font croire que quelqu'un vous observe juste derrière, un couteau sanglant à la main. Crise garantie en vue dans la salle de bain. Notre quatrième idée. On a tendance à mettre le paquet sur la déco intérieure, mais pour vous démarquer, pensez aussi à décorer le jardin. Vous allez faire sursauter vos invités et vos proches grâce à cette idée très simple à mettre en œuvre. Prenez une brouette que vous allez remplir de feuilles mortes. Ensuite, vous allez y déposer un squelette en plusieurs morceaux. Vous trouverez facilement sur Internet des squelettes conçus pour les étudiants en médecine. Recouvrez partiellement le squelette avec d'autres feuilles mortes et placez ensuite la brouette à côté de l'entrée de votre maison, de préférence un peu dans la pénombre. Les passants n'oseront même pas sonner à votre porte. Notre cinquième idée. Histoire de ralentir votre rythme cardiaque, notre cinquième idée concerne tout simplement la déco des citrouilles. Elles ne font pas peur, mais elles font partie de l'ambiance d'Halloween, difficile de s'en passer. Seulement, pour changer un peu de la traditionnelle citrouille orange, creusée et éclairée d'une bougie, sachez que vous pouvez peindre les citrouilles en blanc, avec des yeux, une bouche et un nez en noir, pour faire de petits fantômes. Autre option, pour les amoureux de l'Amérique latine, vous pouvez les décorer avec des couleurs très vives pour rappeler la fête des morts au Mexique. Vous trouverez des inspirations sur notre compte Pinterest Habitat Presto. Vos invités vont jalouser votre déco. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardin. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud ou encore Google Podcast. Et surtout, passez une belle soirée d'Halloween.